La web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo vous présente l'émission Les Experts. David Christoffel reçoit Ekaterina Kouprovskaya pour évoquer la monographie Edison Denisov, parue aux éditions Aedam Musicae. Thank you. David Deutschtrack à la tête de l'Orchestre Symphonique d'État de Russie dans les premières minutes du Moderato, le deuxième mouvement de la 9e symphonie de Dmitri Shostakovitch. Bonjour Ekaterina Kouprovskaya. Bonjour. Nous allons évoquer Edison Denisov, c'est le titre de la monographie que vous lui consacrez aux éditions Aedam Musicae, dans laquelle se trouvent un certain nombre des écrits de Denisov que vous avez traduits en français, dont des notes sur l'orchestration de Dmitri Shostakovitch. À propos de ce deuxième mouvement, il explique par exemple l'interférence entre forme et orchestration. Il a bien connu Shostakovitch, c'était un de ses étudiants. Oui, tout à fait. Denisov a très bien connu Shostakovitch. Ils étaient amis intimes. Mais Denisov n'a jamais été étudiant à proprement dit de Shostakovitch. Tout simplement parce que à l'époque où Denisov arrive à Moscou pour entrer au conservatoire, Shostakovitch n'est plus professeur suite aux événements de 1948. En revanche, Denisov étant encore à Tomsk, lui a écrit à Shostakovitch pour d'abord lui présenter son respect et puis pour lui demander conseil s'il devait ou non poursuivre sur le chemin de la musique. Et Shostakovitch l'a orienté hors de son propre enseignement alors ? Tout à fait. Ce qui est très touchant et curieux même, c'est que Denisov, quand il a écrit à Shostakovitch, il ne connaissait absolument pas son adresse, alors sur l'enveloppe, il a mis « Moscou, conservatoire, Dmitri Shostakovitch ». Et la lettre est arrivée, et non seulement Shostakovitch en a pris connaissance, mais il a répondu d'une manière extrêmement gentille. Et par la suite, Denisov donc, lui a envoyé des copies de ses œuvres, et Shostakovitch a analysé ses œuvres en lui écrivant une grande lettre et en lui disant qu'il avait un grand talent de compositeur et ce serait dommage de le enterrer. Et alors, il mobilisait d'autres compétences que la musique, puisqu'il recourait au service de Denisov pour donner des cours de maths à son fils Maxime Shostakovitch. Tout à fait. Ça, c'était par la suite. Déjà, quand Denisov était au conservatoire, il était étudiant, comme tant d'autres, et pour gagner sa vie, il donnait des cours de mathématiques, parce que la première formation de Denisov, c'était la faculté de maths physique à l'université de Tomsk. Il faut dire que son père était radiophysicien. Oui, tout à fait, tout à fait. D'où son prénom. C'est une figure encore absolument extraordinaire. Oui, donc, et entre autres, Denisov donnait des cours de mathématiques à Maxime. Et alors, de la musique de Shostakovitch, ce qu'il retient, c'est essentiellement les couleurs, puisque quand il écrit théoriquement sur Shostakovitch, c'est donc, comme je viens de le dire, sur l'orchestration, ou bien des notes sur les percussions dans la musique de Shostakovitch, c'est donc toujours pour aller chercher comment se lie le choix des instruments avec la façon de faire forme. Oui, Denisov, non seulement il connaissait très bien l'œuvre de Shostakovitch, dont il entendait certaines œuvres encore dans l'interprétation au piano de l'auteur même, quand il voulait montrer à ses proches ses œuvres sans encore les avoir mis sur l'orchestre. Denisov étudia beaucoup de symphonies, enfin presque toutes, puisqu'il a écrit un préface pour une édition de 3 de ses symphonies en Russie. Et Denisov, elle a écrit 2 études analytiques sur la musique de Shostakovitch, notamment celle que vous citez, sur les percussions chez Shostakovitch, mais aussi il a un article qui s'appelle « Les notes sur l'orchestration de Shostakovitch », où il parle d'une manière plus générale sur l'orchestration. Dans les 2 cas, il dit que Shostakovitch pensait en timbre, même s'il était obligé de faire des versions piano de ses symphonies pour différentes raisons, ne serait-ce que pour les raisons pratiques, pour montrer par exemple ses œuvres aux autres. Sa pensée était orchestrale et timbrale. Et là, si on parle de Denisov lui-même, c'est quelque chose qu'il a hérité de Shostakovitch et puis de tant d'autres, comme Debussy par exemple, qui avait aussi cette pensée-là. Alors, on reviendra sur l'héritage en couleur qu'il retire de Debussy. Cela dit, de Shostakovitch, il marque aussi quelques distances. Vous relevez dans ses carnets des phrases beaucoup moins gentilles à l'égard de la musique de Shostakovitch. Quand il écrit, par exemple, « Toute la musique de Prokofiev et de Shostakovitch est anti-vocale. Ses intonations sont laides et peu naturelles. » Ça veut dire qu'il va, lui, devoir chercher son langage un peu ailleurs que dans ce que fait Shostakovitch. Et c'est comme ça aussi qu'il va s'intéresser aussi sérialisme, ce qui, à ce moment-là, en Russie, est extrêmement rare, j'imagine. Oui, Denisov, dès le début, il cherchait quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'il connaissait avant. Cela dit, au conservatoire, dans les années 40, 50, même 60, la musique de l'école viennoise de début du 20e, Bartok, Stravinsky, de période après-russe, et certaines œuvres de Debussy, Ravel, et même Shostakovitch, étaient bannies, c'est-à-dire interdites. Et on ne pouvait pas les étudier, il n'y avait pas de partition, etc. Donc Denisov avait beaucoup de lacunes. Et son virage vers la dodécaphonie était aussi expliqué par le fait qu'il n'en connaissait rien et il voulait apprendre, compris par sa propre pratique. Et c'est effectivement son opus 1, sa première œuvre significative, dans une gamme à 12 tons qu'il compose, Le Soleil des Incas, dont on va écouter les deux premiers mouvements. Медлительный слух. печали, тоске и унынии. La soprano Lydia Davidova dans Les premières minutes du Soleil des Incas d'Edison Denisov. C'est elle qui a créé cette œuvre avec Gennady Rozhdestvensky à la tête de l'orchestre de chambre de la Philharmonie de Leningrad en 1964. Une pièce qui est dédiée à Pierre Boulez, c'est dire la revendication de la part de Denisov du sérialisme dans cette première œuvre. Oui, tout à fait. Il s'intéressait beaucoup à cette époque-là à l'avant-gardisme européen de cette époque-là, et notamment à Boulez. Ce qui est curieux, c'est qu'il a intitulé son œuvre « Soleil des Incas », mais il ignorait le « Soleil des eaux » de Boulez quand il l'a fait. C'est seulement par la suite qu'il a appris. Et effectivement, c'est l'une des premières œuvres dodécaphoniques qui était composée en Russie. Et d'ailleurs, c'était la raison pour laquelle il y avait tout un scandale autour de la création en novembre 64, parce que jusqu'au dernier moment, la création était sous réserve. Et puis, par la suite, quand... la création a eu lieu tout de même. Il y avait un grand scandale et beaucoup de personnes qui ont apporté leur soutien à la Philharmonie de Leningrad à l'époque étaient même destituées de leur poste. Notamment, il me semble que le directeur avait des soucis pour cet événement. C'est-à-dire que chacun jouait sa carrière sur l'appréciation de cette œuvre de Denisov. Tout à fait. Et je pense que le fait que la création a eu lieu quand même est dû à la réputation de Gennady Rozhdestvensky et à son courage également et à son culot. Ekaterina Krupskaya, dans le livre que vous consacrez à Edison Denisov, vous faites un relevé des œuvres qui relèvent de la picturalité, et il y en a beaucoup. Il y a points et lignes pour deux pianos à huit mains, il y a sur la nappe d'un état glacé, paysages divers, on pourrait en citer beaucoup, et puis peinture, qui est une œuvre pour orchestre, qui est particulièrement paysagère. Oui et non, parce qu'en fait, il traite aussi avec la peinture abstraite. Oui. Peinture est une œuvre pour grand orchestre, et c'est une œuvre qui marque le début de période orchestrale de Denisov. Il faut savoir que pendant les années 60, il composait que des œuvres de chambre, comme s'il voulait prendre un élan, avoir la pratique nécessaire pour aller plus loin. Et donc, en 1970, il compose Peinture pour grand orchestre. Et le titre même est très révélateur, parce que c'est l'une des facettes identitaires de la musique de Denisov, c'est la picturalité. Et si on parle plus précisément de la peinture pour grand orchestre, cette œuvre est dédiée à un grand ami peintre de Denisov, Boris Birger. Et Denisov voulait reproduire la technique de Birger, à savoir qu'il était grand maître de la mixture des couleurs, c'est-à-dire en partant des couleurs pures. Il savait créer à l'aide de toutes petites taches un peu pointillistiques, mais c'est difficile à le comparer au pointillisme français de fin du 19e siècle, puisque les points ne sont pas distincts, mais floutés. Et les mixtures sont extrêmement riches et multiples. Et donc Denisov, dans cette œuvre, il part des timbres pur, comme flûte, clarinette, basson. Et petit à petit, il va vers des mixtures extrêmement complexes. Et dans la culmination de l'œuvre, on entend 52 voix différentes de tout l'orchestre, toutes les cordes plutôt. Donc ce sont des divisies multiples. Comme s'il allait chercher dans le modèle pictural une autorisation à la complexité. Vous citez un article, Musique et peinture, où il écrit « Un compositeur a à sa disposition des éléments qui sont proches par leur sens de ceux du peintre. Toute œuvre musicale est la distribution dans l'espace temporel d'un certain nombre d'éléments ou d'objets sonores qui sont le fondement de la structure entière. Leur distribution dans le temps est la base de la composition musicale. Chaque élément a ses propres caractéristiques, sa forme sonore déterminée par bon nombre de paramètres et sa couleur ou son timbre. » C'est-à-dire si, comme vous le décriviez, il va chercher dans ce pendant avec la peinture une technicité que peut-être la seule musique lui aurait pas donnée. Tout à fait. Il était très intéressé par la peinture en général, aussi bien ancienne que moderne, et il étudiait de près, d'une manière vraiment approfondie, la technique picturale, comment on mélange des couleurs, par exemple, comment on crée des formes, des couches. Il parlait aussi de multidimensionnalité, en disant « je déteste unidimensionnalité ». Et effectivement, dans cette œuvre, ou plutôt à partir de cette œuvre, dans sa musique, il recourt souvent aux procédés purement picturaux pour créer des mixtures, pour faire les contrastes entre les couleurs pures et complexes, etc. Et voici le résultat. Ekaterina Kuprovskaya est l'invitée de David Christoffel sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. L'orchestre symphonique du ministère de la Culture du RSS, dirigé par Gennady Rojdiedvensky, dans Peinture de Edison Denisov, que l'on évoque avec vous et Katerina Kuprovskaya à l'occasion de ce livre aux éditions Aeda Musicae. Vous évoquiez la multidimensionnalité que la peinture va donner à Denisov dans son écriture musicale. C'est aussi cette multidimensionnalité qui va l'arrêter spécialement sur Debussy. À vrai dire, c'est son professeur de composition, Vissarion Chebalin, qui un jour lui dit va donc étudier Debussy, c'est pas dans Chostakovitch qui est ta musique. Oui, tout à fait. Et ce conseil est devenu vraiment prophétique pour Denisov, parce que Debussy est devenu son maître spirituel pendant de longues années, quasiment jusqu'à la fin de ses jours. Il a aussi écrit des textes, des études analytiques sur Debussy, en analysant notamment ses particularités formelles. Mais chez Debussy, il remarquait surtout le fait que la couleur, c'est-à-dire le timbre, joue un rôle comparable à celui de la mélodie, du rythme, de l'harmonie, dans une œuvre. C'est-à-dire que là où pour Chostakovitch, il relevait que le timbre allait être déterminant de la forme, ce qui le retient chez Debussy, c'est que le timbre va être un paramètre qui joue avec plutôt des enjeux harmoniques, peut-être plus profondément dans le langage alors. Les deux, parce que le timbre chez Debussy, même s'il l'emploie différemment, joue aussi un rôle formel, dans le sens où il peut devenir, comme un leitmotiv, on peut devenir identitaire d'un personnage ou un autre, ou d'un thème, d'une image, etc. Évidemment, il employait ça d'une manière tout à fait différente de Chostakovitch, déjà ne serait-ce que par son monde esthétique. Ce qui est intéressant, c'est que vu de Russie, on a l'impression qu'il y a des similitudes qui seraient invisibles vu d'Europe, puisqu'il est capable d'écrire « Les idées compositionnelles de Debussy se rapprochent parfois des principes des compositeurs de la seconde école de Vienne », ce qui est un rapprochement qu'on ne ferait pas spontanément soit en France soit en Allemagne. Dans les deux cas, il s'agit de déduire tous les éléments du tissu musical d'un seul noyau, octroyer une unité à l'œuvre grâce à son contenu thématique. C'est toujours cette solidarité des paramètres qu'il va réussir à relever chez ses compositeurs. Oui, tout à fait. Mais chez Debussy, déjà, souvent, le timbre va avec le motif et le rythme. C'est-à-dire, le timbre va avec la thématique musicale. Et c'est quelque chose de très visionnaire, puisque de nos jours, au début du 21e siècle, souvent, les compositeurs parlent de ce genre d'objet sonore où tous les éléments de langage musical ne sont pas indissociables. Ils forment un tout. Et chez Debussy, déjà, on a ce procédé. Et puis, il y a un autre enjeu très important pour Denisov à l'écoute de Debussy, c'est la voix. Tout à fait, la vocalité chez Debussy est très importante, mais curieusement, on peut le remarquer qu'il était très influencé par Moussorgski, et il y a quelqu'un qui a dit que tout le Péléas, c'est-à-dire les parties vocales de Péléas, sont issues des cycles vocaux de Moussorgski. Donc ce qui voudrait dire que ce qu'il aime chez les compositeurs français, c'est quand ça lui rappelle les compositeurs russes. Voici un extrait de Péléas et Mélisande, chanté par Elisabeth Schwarzkopf. Thank you. me dire quelque chose à quelqu'un. Oh, cette pierre est lourde, extrait de Péléas et Mélisande de Claude Debussy, avec Herbert von Karajan à la tête de l'Orchestre symphonique de la RAI de Rome et la voix d'Elisabeth Schwarzkopf. On évoque Edison Denisov à l'occasion de votre livre Ekaterina Kubrovskaya, et on évoque effectivement comme cette vocalité qui l'attire chez Debussy peut lui rappeler Moussorgski. Lui-même compose pour voix avec donc ses modèles en tête. Tout à fait. Denisov aimait beaucoup composer pour la voix, et il disait que s'il pouvait se le permettre, il composerait que de la musique vocale. Il considérait que c'est ce qui lui réussit le mieux, la musique vocale. Et d'ailleurs, quand on entend sa musique instrumentale, toutes les lignes, toute cette linéarité, ça vient, ça prend ses sources de la vocalité, du moins pas de la vocalité chantée, mais de la vocalité de la voix humaine. Il était très attaché, évidemment, à la tradition russe de la musique vocale. Il connaissait parfaitement les opéras russes, à commencer par Glinka, Dargomirski, Moussorgski, Tchaïkovski, et j'en passe. Aussi à la musique populaire, qu'il a d'ailleurs lui-même collectée lors de ses expéditions folkloriques, quand il était encore étudiant au conservatoire de Moscou. Et en fait, toute sa musique, si on l'écoute attentivement, est basée sur l'intonation vocale, l'inflexion de la voix humaine. Et parmi les compositeurs russes qu'il évoquait peut-être le plus souvent, c'était Mikhail Glinka, qu'on considère en Russie comme le père de la musique russe. Et ses romances, notamment pour voix et piano, servaient souvent à Denisov comme modèle pour ses propres cycles vocaux quand il composait pour voix et piano. Alors c'est un modèle dont quand même il s'écarte un peu, puisqu'on va écouter à suivre Pleure de Edison Denisov, le premier du cycle Pleure, et à suivre une mélodie chantée par Nesterenko de Glinka qui nous fera entendre cet écart. Лунное мгновенье передо мной явилось ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. Давление грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты, звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты, и снились милые черты. Шли годы, бурь, порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточенья тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и souviens d'un instant merveilleux, une mélodie, une romance, disons, de Glinka, interprétée par Yevgeny Nesterenko, que l'on voilà, désignait comme modèle de la vocalité pour Edison Denisov, avec vous et Katerina Kuprovskaya. Cette vocalité, il l'a fait évoluer quand même avec des instruments extrêmement techniques, en même temps que vous expliquez que ses compétences musicales sont un peu décalées par rapport à bien d'autres étudiants de sa génération. Vous nous racontiez qu'il aller dans la campagne recopier des chants populaires, sauf qu'il n'était pas si bon que ça en dictée. Déjà, il est allé comme tous les étudiants, c'était obligatoire. Ça faisait partie de l'enseignement. Ça faisait partie de l'enseignement, ces expéditions folkloriques, comme on les appelait. Mais il le faisait avec grand plaisir, grand joie et beaucoup de curiosité, parce qu'il était aussi très attiré par Bartók et sa méthode, ses procédés de traiter le matériau populaire. La romance de Glinka qu'on vient d'entendre, sur les paroles de Pouchkine, Denisov le considérait comme le modèle comment il faut écrire sur les paroles de Pouchkine. Et d'ailleurs, par la suite, il a écrit son propre cycle vocal de 10 romances sur les vers de Pouchkine, mais il n'a pas touché à celui-là parce qu'il a dit, après Glinka, il est impossible de le refaire, parce que la perfection était atteinte par Glinka. Et dans Pleurs, justement, qu'on entendait juste avant, c'est le rituel de obsèques qui est reproduit dans son œuvre, et il utilise les paroles authentiques avec donc sa propre musique, mais qu'il mais au service de l'expression, parce que l'expression, elle est là. Et ces courbes et cette technique vocale nécessaire pour cela, tout sert à l'expression. C'est pas pour la virtuosité et pas pour la modernité qu'il le fait, mais surtout pour servir cette expression, cette grande peine exprimée par la femme qui a perdu son mari, etc. C'est donc même en entrant dans la composition avec une attention à Boulez, au sérialisme, à la seconde école de Vienne, cependant, il garde une prise avec le lyrisme, avec la romance complet, et puis il utilise des procédés d'écriture qui rappellent Shostakovich, par exemple l'usage du monogramme EDE qui rappelle ses initiales, qui est une manière de composer. Alors EDE, Edison Denisov, en fait ce sont aussi les notes Ré et Mi qui vont donc Ré et Mi. Alors ES, ça veut dire ES, Mi bémol. Mi bémol, alors, et donc il va utiliser ces trois notes chromatiques. Oui. Oui, il est très attaché au lyrisme dans ses différents sens du terme. Il prenait beaucoup la beauté dans la musique, parce qu'il considérait que la musique moderne ou contemporaine voulait s'en détacher, quoique encore la beauté peut être vue de différentes manières. Mais pour lui, oui, le lyrisme, la vocalité, la beauté, au sens universel, c'était les mots-clés quand il composait, effectivement. Et son monogramme EDS, donc mi, ré, mi bémol, il l'utilisait pour signifier que sa musique est très confessionnelle, si on peut dire, c'est-à-dire toute sa musique confession. Il disait que quand je ne peux pas dire quelque chose avec les mots, je le dis avec la musique. Et dans ce sens-là, il s'approche de compositeurs comme Mozart ou Schubert, qui Mahler. Il reprend au grand compositeur aussi un certain éthos des tonalités, c'est-à-dire que le ré majeur a une oui, charge. Oui, ça aussi, ça c'est un petit peu autre chose. Tout à fait, il a créé sa symbolique des couleurs et des tonalités. Pour lui, le ré majeur, qui donc correspond au D, un chiffrage donc alémanique ou russe, D c'est le dieu. Donc pour lui, le ré majeur était symbole de et la tonalité de sacrée Dieu. Par excellence. Oui. Oui, tout à fait. Voici deux pages de L'écume des jours, qui est un opéra. Oui, d'après Boris Vian. D'après Boris Vian, et puis on commentera effectivement ce rapport récurrent à la littérature française chez Denisov après ces deux pages. Пройду 20 шагов, не споткнувшись, этот плещ на носе завтра исчезнет. Все ерунда, об этом глупо думать, ведь плещ сам завтра исчезнет. Наверняка я встречу мою девушку завтра, она будет одета в белый свитер и в желтую юбку, а имя ее Оносима. Но мне не нравится это имя. У серой орхидеи цвет мыши с черными усами. Thank you. Подвинься поближе ко мне. Посмотри, вон там, под самой крышей, в углу комнаты, постепенно заботы сгущаются, стремятся задушить одна другую. В том месте, где реки впадают в море, образуется труднодоступная отмель, а за ней водоворот, полный обломков кораблей. И между ночью за окном и светом лампы воспоминания возвращаются из тьмы и сталкиваются на свету. Опустившись на дно, всплывают вновь белыми животами, золочеными спинами. Ты грезишь, мой кумир! Нет, поцелуй меня, поцелуй меня! И не только мое, и не то. Мой кумир! Моя твоя! Исчезнуть, как безобразное. Le duo de Colin et Chloé, extrait de L'écume des jours de Edison Denisov. Dans la monographie que vous lui consacrez aux éditions Aena Musica et Katerina Kuprovskaya, vous expliquez qu'au-delà de Vian, on a de nombreux autres auteurs français qui sont convoqués dans les partitions de Denisov. Vous citez Bataille, Artaud, Genet, Henri Michaud, qui... tournent tous autour de thèmes communs comme la nuit, le néant, le mystère, l'angoisse, le sacré. Oui, tout à fait. Denisov était très attiré par cette thématique qu'on trouve chez ses auteurs. Sinon, dans son œuvre, il a écrit sur les textes de Baudelaire, Nerval, aussi, René Char, Yves Bergeret, poète moderne. Et Denisov connaissait très très bien la littérature française qu'il lisait dans le texte depuis tout jeune. Il a appris tout seul, en autodidacte, la langue française pour pouvoir lire ses œuvres, ses auteurs. Et toute sa vie, il lisait énormément. C'était un lecteur insatiable. Et les écrivains que vous venez de citer, oui, c'était... particulièrement ces auteurs de prédilection, peut-être parce qu'on sent ce côté écorché vif chez eux, comme chez Vian d'ailleurs, et c'est quelque chose qui attirait énormément Denisov. Parmi les sources que l'on a citées depuis le début de l'émission, en plus du sérialisme et des chants populaires, on a entendu eh bien, encore une autre à l'instant avec ce duo de Colin et Chloé, c'est le jazz. Est-ce que ça vient simplement parce que Boris Vian ou... parce que c'est plus ancré dans les goûts des Denisov. On peut se poser la question si Denisov aimait le jazz parce que Boris Vian en était acteur ou c'est parce qu'il aimait le jazz au départ qu'il était penché vers Boris Vian. Boris Vian. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Qui est l'œuf et la poule. Mais en tout cas, Denisov était un grand amateur de jazz. Et il donc fait quelques empreintes chez Boris Vian, quelques empreintes pour son opéra L'écume de jour, des thèmes donc jazzistiques, les grands standards, entre autres, avec grand plaisir. Et c'est vrai que ça fait un petit peu un effet polystylistique au sein de son opéra. Ce qui n'est pas si fréquent chez lui. Absolument pas. Mais comme le jazz, c'est tant des héros du roman de Vian, il ne pouvait pas s'en passer. Et même le thème de Chloé, il emprunte ce thème connu dans l'interprétation de Duke Ellington pour en faire un leitmotiv de Chloé. Et puis cette empreinte jazz, on la retrouve dans d'autres œuvres que L'écume des jours, ce qui laisse penser que son intérêt pour le jazz excède son intérêt pour Boris Vian, par exemple dans une sonate pour saxophone. Oui, tout à fait, surtout dans le troisième mouvement où le piano joue un petit peu comme la basse, comme la contrebasse. Et d'ailleurs, il y a une version de cette sonate qui était réalisée après la mort de Denisov, par les musiciens japonais qui ont fait une version pour une sorte de jazz band avec la batterie et qui sonne très très bien, tout à fait organique. Pour l'heure, on en restera la version originale de ce troisième mouvement de la sonate pour saxophone et piano d'Edison Denisov. Et Katerina Kuprovskaya est l'invitée de David Christoffel sur la web radio du Printemps des Arts de Monte Carlo. Thank you. Francisco Martinez au saxophone avec Kayoko Morimoto au piano dans ce dernier mouvement de la sonate pour sax alto et piano d'Edison Denisov. Ekaterina Kubrovskaya, c'est pas si fréquent un compositeur du XXe siècle qui compose autant pour le saxophone, puisque au-delà de cette sonate, il y a bien d'autres partitions de Denisov pour sax. Denisov avait la chance de fréquenter de très grands saxophonistes, notamment français. La sonate qu'on vient d'entendre, c'est Jean-Marie Landeix qui lui a commandé et interprété la première fois. Et puis par la suite, c'est avec Claude Delangle que Denisov était lié d'amitié et pour lequel il a composé plusieurs œuvres, notamment la sonate pour saxophone alto et violoncelle, et aussi le concerto. En fait, ce n'est pas tout à fait une version initiale de ce concerto, mais Claude avait beaucoup insisté pour avoir un concerto pour saxophone, et Denisov a adapté son concerto pour alto et orchestre en version avec saxophone, mais qui sonne merveilleusement bien dans cette version-là. Alors, on va écouter le quatrième mouvement, justement, avec Claude Delangle, mais ce quatrième mouvement est l'endroit d'une autre opération stylistique de la part de Denisov, ce qui est un dialogue qu'il commence avec de Schubert. Oui, ça, c'est une autre facette, disons, denisovienne, c'est-à-dire, il était un grand... fan de Schubert. Il le citait parmi ses compositeurs de préférence, de prédilection. Et dans ce concerto, à la fin, au final, il y a cet hommage, un véritable hommage à Schubert sous forme de variation sur son impromptu en la bémol majeur. Thank you. Tada, qui au taquet à la tête du BBC National Orchestra au Foyles avec Claude Delangle au saxophone dans ce dernier mouvement du concerto pour sax, alto et orchestre d'Edison Denisov. Et Katerina Kuprovskaya, il a un traitement cette fois extrêmement vocal du saxophone. Tout à fait, rien à voir avec la sonate qu'on vient d'entendre auparavant. Là, Denisov met en valeur le côté très lyrique, très vocal. Du saxophone qu'il aimait justement chez le saxophone. Et là, le saxophone chante magnifiquement bien grâce à Claude Delangle. Et aussi, il met en valeur la musique de Schubert qui était pour Denisov le modèle de la spiritualité, de la pureté, comme il disait, et de la beauté universelle. Au point qu'il a prolongé l'écriture de Lazarus. Oui, c'était inattendu parce que ça venait pas de Denisov. Il ignorait d'ailleurs cette œuvre de Schubert qui est Lazarus ou la fête de la résurrection, qui est un opéra ou peut-être un oratorio, on ne sait pas trop. Mais on sait que Schubert n'a écrit que deux actes, le premier et le deuxième, c'est-à-dire la mort de Lazarus et la mise en tombeau. Il n'a pas écrit la résurrection. Pour différentes raisons qui étaient évoquées par des chercheurs, musicologues. L'une des raisons, c'est parce qu'on dit que Schubert ne croyait pas en résurrection, et aussi parce qu'il savait qu'il était condamné par une maladie. En tout cas, le fait est tel que Denisov a écrit tout le troisième acte, et même la fin du deuxième acte de ce grand opéra, et c'était une occasion inouïe, inattendu de se collaborer avec ce maître qui était pour lui vraiment le summum de la musique. Et si Denisov respecte le style de Schubert, sans hésiter toutefois de mettre ses contrechants à lui, hein, les contrechants assez atonales, hein, du moins chromatiques, la fin, la toute fin de l'opéra est purement denisovien. Là, il ose un geste qui n'est pas à l'encontre de Schubert, mais quelque part, c'est quelque chose que Schubert aurait pu écrire lui-même s'il aurait vécu jusqu'à la fin du XXe siècle. Et Denisov termine l'opéra par deux chœurs atonales dans lesquels toute la spiritualité de tout ce qui précédait cette histoire de Lazarus, mais aussi toute sa spiritualité à Denisov sont mises à cœur nu. Voilà, là, vraiment, la spiritualité pure de Denisov qui est, pour moi, mise dans ces deux cœurs. Alors voici ce parachèvement, ces deux minutes purement denisoviennes qui viennent comme boucler le Lazarus de Schubert. Auteur de la monographie Edison Denisov, Ekaterina Kuprovskaya est l'invitée de la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Oh! C'est donc la toute fin de Lazarus, pas tout à fait de Schubert, puisque ce sont vraiment les 2 minutes les plus dénisoviennes, comme vous pouviez nous l'expliquer, et Katerina Kouprovskaya. Pour terminer, cette question de la spiritualité chez Denisov, elle dépasse son intérêt pour Schubert. Elle est présente dans bien des partitions. D'ailleurs, il est l'auteur d'un requiem. Denisov disait « Toute ma musique est spirituelle, indépendamment de texte ou sujet ou programme ». C'est-à-dire, il mettait dans l'acte même de la composition quelque chose de spirituel, de religieux. Et il disait aussi que dans des moments de très grande concentration, il avait l'impression que sa main était guidée par Dieu et qu'il avait juste le temps de mettre sur la page ce qui lui était dicté. Et effectivement, il a plusieurs œuvres purement religieuses, comme Requiem, comme ce grand oratorio qui s'appelle L'histoire de la vie et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis d'autres œuvres de moindre envergure. Mais c'est le Requiem qui est peut-être son œuvre le plus identitaire, parce qu'il est le concentré des thèmes qui ont toute sa vie hanté Denisov, c'est-à-dire la vie, la mort, l'amour, la beauté et Dieu. C'est un peu paradoxal avec la partie des écrits sur les compositeurs que vous avez traduite. Si on passe en revue ce qu'il écrit sur Shostakovich, sur Debussy, mais aussi sur Bartok ou sur Webern, il est particulièrement attentif aux questions extrêmement formelles, c'est-à-dire là où le langage va presque au plus loin de l'intelligibilité, de l'inspiration et au plus près du concret de l'écriture. Oui, je pense que le plus intéressant dans ses écrits, c'est sa vision de compositeur. C'est-à-dire, il étudie non seulement le résultat, mais le processus. Il, dans ses explications, dans ses analyses, il cherche à comprendre vraiment le cheminement de l'auteur, de créateur, comment ça... Son œuvre était née. Vous remarquerez dans ses écrits, il utilise souvent les mots au sens présent, au temps présent, comme si il assistait le compositeur dans ce processus de création. Et évidemment, il y a beaucoup de complicité parce que lui-même était compositeur, donc. Pour lui, c'était très, très proche comme procédé. Et je pense que le plus grand intérêt de ses écrits, c'est là. C'est qu'il cherche vraiment à entrer dans le processus de composition et s'en détache presque du résultat. D'aller chercher une espèce de mouvement de pensée à l'intérieur. Absolument. De ce que l'élaboration peut avoir d'éminemment complexe. Oui. Il faut savoir aussi que ces écrits-là étaient élaborés principalement à la fin des années 60 et au début des 70, c'est-à-dire la période le plus structurelle de Denisov. Il était également très influencé par les écrits de Boulez, qu'il non seulement lisait, mais aussi traduisait en russe. Donc sa méthode s'approche des fois de la méthode boulezienne, qui est un peu la même, effectivement. Pour terminer, nous allons donc écouter la fin de son Requiem. Qu'est-ce qu'on peut en dire avant de l'entendre ? C'est une œuvre très personnelle, très confessionnelle. Il disait, quand je composais mon Requiem, je pensais à la croix que je porte toute ma vie. C'était dit en 1980. Il avait encore 16 années à vivre, mais toutes les persécutions qu'il a reçues en étant en Russie, parce qu'il était interdit en Russie, persécuté, donc cette croix qu'il portait était donc mise là, dans ce requiem, et notamment dans ce dernier mouvement. Il y a le thème en forme de croix qui rappelle certains thèmes de Bach, justement, qui évoquent la croix, ce mouvement en croix. Mais aussi, dans ce dernier mouvement, il y a à plusieurs reprises son monogramme, EDS, donc comme dit son Denisov, pour marquer justement le fait que c'est lui qui parle. Ce n'est plus un requiem impersonnel, c'est le requiem de Denisov. Il le marque donc par ses signatures, comme s'il persiste et signe cette musique et ses propos. Merci beaucoup, Ekaterina Koprovskaya. Merci à vous, David. Et je rappelle que l'on peut lire donc votre ouvrage Edison Denisov aux éditions Aedam Musicae. Thank you.

Pour finir cette édition des experts, Gilles Charlassier débriefe l'émission. Yekaterina Koprovskaya vient de nous présenter la monographie qu'elle a consacrée à Edison Denisov, parue aux éditions Aedam Musicae, et dont elle a aussi traduit les écrits. Parler d'Edison Denisov, c'est évoquer tout un pan de l'histoire musicale russe, mise à l'index par le régime soviétique. Denisov a commencé sa carrière de compositeur sous la protection de Chostakovitch, autre musicien qui eut des relations complexes avec la dictature communiste. Son opus 1, Le Soleil des Incas, ose se nourrir du dodécaphonisme et du sérialisme, alors inconnu en Russie. La création à Leningrad en 1964 fit scandale et conduit au limogeage de nombre de ses soutiens, et n'eut lieu que grâce à l'audace de Gennady Rozhdestvensky. Ce qui intéressait particulièrement Denisov dans l'écriture de Chostakovitch, c'était sa pensée des timbres. Cette sensibilité aux couleurs instrumentales parcourt l'œuvre de Denisov et s'affirme dans sa première partition pour grand orchestre, en 1970, dont le titre, Peinture, est en soi très significatif. Sa technique orchestrale s'inspire de la palette des peintres et trouve en Debussy un véritable maître spirituel, chez lequel il entend la couleur comme jouant un rôle structurant, égal à l'harmonie et au rythme. Sensible à la vocalité de la voix, pour laquelle il estimait avoir écrit ses meilleures pages, Denisov avait une prédilection évidente pour la littérature française, qu'il lisait dans le texte, et il a, entre autres, écrit un opéra « L'écume des jours » à partir du roman de Boris Vian. On y trouve l'empreinte de son amour pour le jazz, qui affleure dans d'autres pièces instrumentales, à l'exemple de sa sonate pour saxophone et piano. Denisov a d'ailleurs contribué à enrichir le répertoire du saxophone, sous l'impulsion de commandes d'amis saxophonistes. Une des autres figures titulaires de Denisov, c'est Schubert, au point qu'il a complété l'oratorio inachevé Lazarus, par ailleurs témoignage de la dimension spirituelle de sa musique, qui, de son propre aveu, ne se limite pas au corpus religieux. Son requiem en constitue l'expression la plus personnelle, avec en particulier la présence de son monogramme EDS, mi, ré, mi bémol, que l'on peut également comprendre comme un héritage de Chostakovitch. Thank you. Le Printemps des Arts de Monte-Carlo est une invitation à la surprise. Partagez des expériences musicales qui nous émerveillent, nous déroutent, nous émeuvent, nous interrogent, mais ne nous laissent jamais indifférents. C'est l'esprit printemps. Il guide le festival. Il anime l'association de ses amis pour accompagner les projets du festival et organiser, tout au long de l'année, des rendez-vous qui font vivre cet esprit. Alors, si vous voulez voir fleurir le printemps en toute saison, rejoignez les Amis du Printemps des Arts. www.amidupritemps.com